La science CQFD, Natacha Triou. Après l'ordinateur quantique, les chercheurs du monde entier planchent sur la conception de l'Internet quantique. À quoi ressemblerait-il et quels sont les verrous technologiques ? Des ordinateurs quantiques plus puissants que nos ordinateurs classiques seraient une révolution, mais créer un réseau entre eux, un Internet quantique le serait encore plus. En 2008, le physicien Kimball fait le rêve de ce nouveau système de communication, un Internet infaillible en termes de puissance, de fluidité et de sécurité. Mais pour y parvenir, les contraintes théoriques et les difficultés technologiques à surmonter sont encore nombreuses. Internet quantique, c'est pas tout net. Pérola Milman, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques de l'Université Paris-Cité. Christophe Couteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du laboratoire Lumière, Nanomatériaux et Nanotechnologie, physicien, enseignant-chercheur à l'Université de Technologie de Troyes. Et nous sommes en ligne également avec Virginia Doria, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'Institut de physique de l'Université Côte d'Azur. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct de France Culture et merci à vous pour votre écoute. Je vous invite aussi à nous suivre sur Twitter pour notre live tweet. Riche de sources, d'articles et d'études, c'est tout de suite à Science CQFD. Jusqu'à 17h, nous parlerons donc de cet Internet du futur et de ses applications, de ses enjeux sociétaux, mais aussi des fondements théoriques pour cet Internet quantique et des obstacles à surmonter. Récemment, on observe une course à l'Internet quantique et la France s'est positionnée dans cette compétition internationale. Pour l'ordinateur quantique, sans doute l'objet le plus risqué, nous procéderons par étapes. D'abord, nous devons nous acculturer à l'usage des simulateurs d'ordinateurs quantiques, développer un ordinateur hybride, notamment pour la chimie, la logistique, l'intelligence artificielle, et ce, dès l'horizon 2023. Avec le Grand Équipement National de Calcul Intensif et le CEA, la France hébergera la première infrastructure au monde d'ordinateurs quantiques hybrides. Et nous devrons aussi enrichir notre écosystème de développeurs dans ce domaine pour anticiper les ruptures futures. Et pour que les futures technologies trouvent leur marché, ce seront 350 millions d'euros qui seront consacrés à cette première étape. Ensuite, il nous faudra aller plus loin en développant l'ordinateur quantique universel et passer à l'échelle industrielle. La France est considérée comme l'un des rares pays capables de relever ce défi, grâce précisément à l'excellence de notre recherche théorique et technologique, grâce à notre industrie microélectronique, la France pourrait devenir le premier État à disposer d'un prototype complet d'ordinateur quantique généraliste. Le plan quantique d'Emmanuel Macron annoncé le 21 janvier 2021 au Centre de Nanosciences et de Nanotechnologie de Saclay. Christophe Couteau, on peut parler d'un engouement international ? Alors oui, ça c'est sûr, il y a un engouement international depuis quelques années déjà, donc en effet, tous les pays qui peuvent investir dans cette technologie, qui est en effet pas facile de point de vue théorique et technologique, comme ça a été dit, eh bien voient des enjeux à s'y investir massivement et le plus tôt possible. Donc c'est évidemment en Europe, en France, en Hollande, en différents pays, mais aussi les États-Unis, la Chine, le Japon et même d'autres pays comme Singapour ou le Canada qui tous à leur échelle essaient de prendre le train de cet Internet quantique et des technologies quantiques en général. Et puis voilà, Milman, ce n'est pas de la science-fiction. La construction de réseaux quantiques est une ambition clé pour de nombreux pays du monde. Alors peut-être pour commencer la discussion, on pourrait essayer de décrypter ce qu'on veut dire par Internet quantique. Donc déjà, Internet, c'est un peu mystérieux, quantique encore plus. Donc ça donne un peu l'impression qu'on parle de la science-fiction. Une première définition peut-être d'Internet qu'on pourrait donner, c'est une combinaison de différents éléments où on a des unités qui vont traiter l'information, comme des ordinateurs. On va avoir une transmission d'informations entre ces unités, donc de la communication, et ensuite du stockage. Donc voilà, pour une première définition. Et le quantique, qu'est-ce qu'il va avoir là-dedans ? Bon, il va intervenir dans tous ses composants, et de différentes façons. Donc on peut par exemple penser à la communication, donc les différentes façons de faire intervenir les quantiques là-dedans. On peut s'intéresser par exemple à la transmission d'informations classiques à travers un canal quantique. Donc on transmet des bits, 0, 1, etc., qu'on va transformer en bits quantiques, des qubits on appelle, et qu'on va transmettre à travers un canal, et qui va être encore ensuite décrypté par un partenaire en bits. Donc ça présente des avantages qu'on va discuter, j'imagine, dans la suite de cette émission. Mais on peut aussi s'intéresser à transmettre des bits quantiques, c'est-à-dire de l'information quantique, à travers la téléportation. Et pour cela, on a besoin d'un canal quantique aussi, et puis de transmission d'informations classiques également. Donc voilà, j'espère que pour les auditeurs, il y a un peu plus d'informations derrière ces mots un peu, disons, magiques, Internet quantique. On va revenir sur cette définition d'Internet quantique plus précisément. Virginia Doria, vous aussi, votre réaction, pour continuer un peu cette petite géopolitique de l'Internet quantique. Oui, effectivement, il y a énormément d'investissements là-dessus. Il y a environ dans le monde entier 30 milliards sur les technologies quantiques avec des investissements, comme on disait, très forts en Europe. Il y en a environ 7 milliards. Et là, je vous parle d'investissements du public. Il y a aussi beaucoup d'investissements des fonds privés. Et donc ça, évidemment, ça a boosté beaucoup. Parce que les enjeux qu'on a sont des enjeux majeurs, notamment dans la manière où l'information va être générée, va être processée, va être transmise et va être aussi sécurisée. On parle beaucoup de communication sécurisée, on parle beaucoup d'ordinateurs qui sont capables de résoudre certaines tâches computationnelles avec une efficacité accrue vis-à-vis des ordinateurs classiques. Et donc, évidemment, tout ça, ça donne envie de s'y lancer. Donc, c'est un des programmes technologiques qui reçoivent en ce moment le plus d'attention. Et juste une note de couleur, on remarque aussi le quantique, aussi, pas simplement évidemment dans le côté sérieux, non, des sciences, de la technologie, des investissements, mais ça devient de plus en plus quelque chose de pop. Il y a beaucoup de BD qui sortent sur le quantique, il y a beaucoup de films, aussi Marvel récemment, il y a eu un film sur le quantique, mais on devient quelque chose qui rentre de plus en plus dans les oreilles et dans un peu les pensées de tout le monde. Qui rentre aussi dans les oreilles des grandes entreprises, hein, IBM, Google, aux États-Unis où Atos en France s'y intéresse depuis 2015. Christophe Couteau, le plan quantique du gouvernement, c'est une stratégie au budget de 1,8 milliard d'euros. Qu'est-ce qui justifie un tel investissement ? Alors, tout d'abord, en effet, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. À nouveau, je reviens sur le problème que les technologies quantiques, en général, donc l'Internet quantique en fait partie, nécessitent des technologies, donc nécessitent de maîtriser la physique quantique. Et on peut maîtriser la physique quantique, il faut maîtriser des technologies qui sont coûteuses et surtout des technologies qu'on n'a pas forcément. Donc, il faut développer, on a parlé tout à l'heure de stockage. Donc, par exemple, il y a faire ce qu'on va appeler une mémoire quantique. Donc, ça va être quelque chose qui va garder l'information quantique en mémoire. C'est quelque chose qu'à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment. Enfin, il y a des travaux de recherche dessus, mais c'est très compliqué à faire sur des temps suffisamment longs et puis de préserver cette information. Donc tout ça, ça nécessite de beaucoup de recherches amont sur des technologies de pointe. Et il y a aussi un autre effet, c'est que les technologies quantiques en général, et donc ce que serait ce futur Internet quantique, il y a différents types de technologies. Donc il va y avoir des technologies qui vont utiliser la lumière, des technologies qui vont utiliser la physique des supraconducteurs, qui nécessitent de travailler à basse température, par exemple, et d'autres technologies qui vont piéger des atomes uniques, tout seuls, dans des pièges optiques. Et donc ça prend beaucoup de place et de temps humain aussi. Hein, typiquement, une des expériences que j'ai décrit là, ça remplit une pièce dans laquelle on se trouve ici très facilement. Et il faut plusieurs personnes pour manipuler. Donc il faut aussi du matériel et des gens, beaucoup de gens pour manipuler tous ces concepts. Oui, il faut préciser que nos studios sont assez gros en plus. Voilà. Mais on voit bien une deuxième révolution quantique se produire après celle du siècle dernier qui était plus théorique. Là, on essaie vraiment de faire de l'ingénierie quantique. Par rapport à cet Internet du futur, cet Internet quantique, quelles seraient ses applications, Perola Milman ? Alors, les gens s'intéressent justement aux communications quantiques, par exemple, pour différentes raisons. La principale étant le fait qu'elle est ce qu'on appelle inconditionnellement sûre. Mais pour parler un peu plus de ça, peut-être donner un peu plus de goût à l'auditeur de quels sont les principes physiques qui sont impliqués dans cette sécurité. Il va falloir qu'on parle de certaines propriétés de la physique quantique. Par exemple, une propriété qui est importante, c'est ce qu'on appelle l'incompatibilité entre de propriétés physiques, entre les mesures des propriétés physiques. Donc, je vais utiliser volontairement un exemple un peu, disons, surréel, pour illustrer à quel point c'est étonnant, hein, cette incompatibilité. Pardon. Donc, si nous avons par exemple des chaussures, cette chaussure, elle a différentes propriétés physiques. Par exemple, elle a une orientation. Elle peut être droite ou gauche, ou des couleurs. Une couleur, elle peut être rouge ou bleu. Il se trouve que dans notre vie, bien sûr, on peut déterminer l'orientation et la couleur de la chaussure. En revanche, en physique quantique, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on décide de regarder l'orientation de la chaussure, on trouve qu'elle a une chaussure gauche. Donc, on perd l'information sur sa couleur. On a en fait 50% des chances d'avoir la chaussure bleue. Et 50% de l'avoir rouge. On s'est dit, bon, pas de problème, je mesure maintenant, je regarde maintenant la couleur de la chaussure. Ok, je regarde, je vois qu'elle est bleue par exemple, et ensuite je perds l'information sur son orientation. Donc ça veut dire que savoir, connaître la couleur de la chaussure est incompatible avec connaître son orientation. Et ça, c'est derrière, c'est la base de la sécurité, disons, de ces protocoles d'information quantique que peut-être je pourrais détailler un peu plus dans la suite. Qu'on va redétailler, Christophe Couteau. Oui. Voilà, quand on parle d'application, on parle de sécurité des communications, de sécurité des données. Oui, tout à fait. Donc, on voit bien donc, il y a eu une augmentation du volume de données accessibles, et donc il y a aussi une volonté de plus en plus d'avoir des données sécurisées. Et donc, ce qu'il faut savoir, en fait, il y a plusieurs enjeux ici. Le premier, d'abord, c'est que c'est un peu... Ça se mord la queue, si je puis dire. C'est que si demain, on est capable de faire un ordinateur quantique, eh bien, avec cet ordinateur quantique, on peut casser tous les systèmes de sécurité actuels de cryptographie, enfin la plupart, très facilement. Donc ça, c'est déjà un premier point. Donc, ne serait-ce que parce que ça existe, il faut s'intéresser, en effet, à des communications sécurisé quantiquement, comme le décrivait Perola. Et donc c'est déjà le premier point. Et puis après, il y a aussi ce que je trouve intéressant dans la sécurité des données, c'est que dans ce cas-là, alors c'est un avis très personnel, mais la sécurité de nos données, donc en cryptographie quantique, comme l'a décrit Perola, c'est la sécurité en fait donnée par les lois de la physique, donc par la nature. D'accord? Donc c'est pas donné par un gouvernement ou un fournisseur d'accès qui vous dit mais si, pas d'inquiétude, vos données sont préservées. Donc voilà, donc c'est un peu ça ce qui est intéressant, et surtout je trouve ça intéressant pour un jour, pour le moment c'est pas encore le cas, mais si c'est dans cet internet quantique, de pouvoir déployer ça pour tout un chacun. Et donc tout un chacun ait sa sécurité assurée par les lois de la physique plutôt que par autre chose ou quelqu'un d'autre. Virginie Doria, pour continuer sur ces applications, qui pourrait avoir besoin de cette connexion ultra sécurisée? Alors en fait, il y a deux aspects qui sont intéressants. D'un côté, il y a le fait qu'on a des connexions ultra sécurisées entre un utilisateur et l'autre, ou plusieurs utilisateurs en eux. Mais ce qui est intéressant avec le développement de réseaux, c'est aussi deux autres types d'approches. Premier, quand je voulais préciser que quand on parle de sécurisation, ça peut être aussi lié au fait qu'avec le développement de technologies pour lesquelles, comme on dit, on est capable de dévoiler la présence d'un espion qui est en train de craquer les données ou d'avoir accès à la communication, on peut avoir des applications qui sont aussi du type, par exemple, signature digitale quantique ou sécuriser les votes avec des moyens quantiques. Donc, ce n'est pas simplement des échanges qui sont privés. Il y a aussi un aspect science fondamental. Si on est capable de déployer des communications quantiques ou des réseaux grands quantiques, on est capable de tester des aspects purement de science fondamentale comme la non-localité ou la gravitation, la décohérence, des choses qu'on connaît dans la théorie et qu'on a pu tester évidemment à laboratoire, mais c'est intéressant de pouvoir le faire sur une très grande échelle. Et puis, il y a un aspect très pratique qui est lié au fait qu'on pourra faire un internet d'objets quantiques. L'application dont on parle beaucoup, par exemple, c'est le calcul quantique distribué. Un ordinateur quantique nous promet d'être capable de résoudre certaines tâches avec des super efficacités. Et imaginons qu'on est capable d'en mettre 2 ou 3 ou 4 en réseau. Ça signifie qu'on est en train d'avoir des tâches plus compliquées ou alors de confier des sous-tâches à chacun des ordinateurs. Et ça, c'est vrai pour plusieurs ordinateurs en réseau, mais aussi pour des technologies hybrides. Par exemple, je peux décider d'avoir un capteur quantique, que lui, il est capable de me détecter avec une très bonne précision quelque chose. Et puis, les données, je les fais traiter directement par l'ordinateur quantique. Donc, les possibilités deviennent évidemment encore plus ambitieuses, encore plus intéressantes pour tout un tas d'applications qui sont très, très variées, qui vont du privé jusqu'au public, évidemment. Oui, on voit bien l'Internet quantique relève d'un enjeu sociétal à plusieurs niveaux, sécurité nationale, défense, industrie, recherche. Avec l'Internet quantique, la sécurité des données serait donc garantie par les lois de la physique et non par des opérateurs télécoms. Par quel mécanisme physique plus précisément, sur quel fondement théorique se développe cet Internet quantique? On élucide cette question dans quelques instants. France Culture, la science CQFD, Natacha Triou. 16h15 sur France Culture, nous parlons de cet Internet du futur. Nous parlons d'Internet quantique avec Christophe Couteau, Perola, Milman, Virginia Doria. Un Internet du futur, on vient de le dire, qui mettra à profit les lois de la physique quantique pour offrir une solution infaillible. Christophe Couteau, on a commencé un peu à l'évoquer, mais quelle est la vraie différence? Quelle différence entre l'Internet quantique et la différence avec l'Internet classique? Alors, donc tout d'abord, la grosse différence, c'est que on va avoir une connexion, donc entre différentes, c'est ce qu'a dit Virginia tout à l'heure, donc entre des ordinateurs, des capteurs, faire des communications, mais on va avoir ce qu'on appelle un canal quantique. Donc un canal quantique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'information qui passe dans ce canal, donc dans cette fibre optique qu'on peut avoir chez nous, c'est une information quantique. Donc c'est déjà en ça que c'est différent. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben l'information quantique, c'est relié donc à la physique quantique avec des phénomènes, donc deux essentiellement, qui sont purement quantiques. Ça veut dire que nous, en tant que à notre échelle, on ne les voit pas. C'est ce qu'on appelle la superposition quantique et l'intrication quantique. Alors pour la superposition quantique, il y a une image que je trouve très bien, que je donne à mes étudiants. C'est que dans ce qu'on appelle la superposition quantique en physique, c'est quelque chose qui vous dit que si je cours contre un mur, j'ai une probabilité non nulle de le traverser. D'accord? Ça vous dit ça, la physique quantique. Ça vous dit aussi que cette probabilité, elle est certes non nulle, mais elle est extrêmement faible. Et ça pourquoi? Parce que moi, je suis trop gros, un objet trop gros. Voilà, il y a des effets de décohérence bien avant que j'ai touché le mur, même qui font que ça marchera pas. Par contre, quand on va s'intéresser à des particules élémentaires, donc des électrons, des charges élémentaires, des photons, des grains de lumière, donc sur lesquels on peut faire des communications, par exemple, eh bien là, on peut avoir des probabilités où finalement cette particule soit d'un côté et de l'autre du mur en même temps, donc avec une probabilité qui en plus qu'on peut ajuster. Et donc on peut se retrouver dans un cas de figure où on va avoir une probabilité de 50% d'être d'un côté du mur et de 50% de l'être de l'autre. Et donc c'est ça la superposition, c'est qu'on va avoir finalement, on peut explorer deux espaces en même temps. Et en même temps, c'est ça qui est important. Et donc c'est ça qui donne un peu cette idée de parallélisme qui est quantique, vraiment propre à la physique quantique, et qui différencie vraiment de l'Internet classique où là on a une information après l'autre et non pas ces deux espaces possibles en même temps. C'est ça, Virginia Doria, avec l'Internet quantique, l'échange d'informations s'y fera non pas sous la forme de bits classiques, les 0 et 1 à la base de l'informatique, mais des bits quantiques, ces qubits sont des superpositions de 0 et de 1. Oui, tout à fait. En fait, un exemple qu'on a reporté dans les vieilles expériences de physique quantique, que je trouve aussi joli, c'est de dire que nous, on a l'habitude de distinguer dans le monde réel des particules, comme ça s'appelle des billes, par exemple, et des ondes. Les ondes, pour un physicien, ce sont par exemple les ondes de la mer qu'on arrive à faire interférer, de la mer, des flaques d'eau plutôt. Et en effet, un objet quantique, il est capable d'associer ces deux aspects. Il peut se comporter en fonction de comment je le mesure, comme une onde, et donc se délocaliser à plusieurs endroits, être présent, comme disait tout à l'heure Christophe, à gauche et à droite du mur, mais aussi, en fonction encore une fois des expériences, manifester son comportement corpusculaire. Et donc, c'est en jouant sur ça, sur cette possibilité de cette ambivalence, cette dualité, qu'on arrive à atteindre des résultats qui ne sont pas accessibles à la contrepartie classique. Et une chose qui est très importante aussi, c'est que ces objets, ils suivent des règles un peu différentes, et notamment en fonction de la manière dont je regarde ces objets, je suis capable de les transformer. On dit qu'un état quantique est perturbé par la mesure. Je le projette, pour utiliser un langage technique. Et donc, c'est ça un peu qui fait aussi, par exemple, les aspects liés à la cryptographie. Quand je vous disais tout à l'heure qu'un espion va se faire dévoiler, c'est parce que si j'utilise un canal de communication quantique, normalement, si l'espion arrive, je m'apercevrai de sa présence parce qu'il aura altéré les taux de succès de ma communication. Je dis normalement parce que dans la vraie vie, il y a évidemment des contraintes techniques qui font qu'on peut avoir des bruits, des difficultés. Donc, l'espion pourrait prendre profit de ça. Mais une communication bien faite, ou une communication théorique, si vous voulez, elle exploite exactement ce type de mécanisme. Et ces qubits exploitent les lois de la physique quantique, comme vous le disiez, Christophe Couteau. Perola Milman, ces lois de la physique quantique qui régit le monde à l'échelle de l'infiniment petit, l'une de ses propriétés, hein, c'est l'intrication, aussi appelée enchevêtrement. Oui, effectivement, en fait, comme on a mentionné, il y a cette question de l'incompatibilité des mesures. Et en fait, quand on a plusieurs particules, donc plusieurs qubits ou plusieurs chaussures, dans l'exemple que j'ai utilisé tout à l'heure, il se trouve qu'on peut avoir certains types de corrélations entre ces objets, qui est une corrélation qu'on n'observe pas dans les mondes classiques. Ça veut dire que si je reprends l'exemple de la chaussure, bien qu'on ne puisse pas déterminer en même temps sa couleur et son orientation, il se trouve que si j'ai deux chaussures, en fait, il y aura des corrélations entre les deux qui vont résister à cela, dans le sens où si je regarde son orientation, l'autre aura par exemple l'orientation opposée. Si je regarde sa couleur, l'autre aura par exemple la même couleur. Donc il y a des corrélations qui vont persister même entre deux mesures qui sont incompatibles. Christophe Couteau, oui, l'enchevêtrement, c'est ce phénomène par lequel deux parties qui l'enchevêtrent se comportent de manière identique, quelle que soit la distance qui les sépare. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est un phénomène, donc l'intrication quantique ou enchevêtrement quantique, qui est vraiment, donc j'ai parlé de la superposition, bon, qui est déjà un phénomène quantique, mais l'intrication, ça l'est encore plus, puisque ça a perturbé beaucoup de générations de physiciens, donc Einstein le premier. Parce qu'en effet, comme a dit Perola, donc on a deux systèmes qui peuvent être physiquement séparés. On peut savoir qu'il y en a un à gauche et un à droite. Et pourtant, quelle que soit en effet la distance qui est entre ces deux systèmes, donc entre ces deux photons, ces deux grains de lumière par exemple, eh bien ces deux systèmes gardent une information commune, une complémentarité par exemple. Donc on parlait de couleur de chaussures. Bon, pour les photons, ça va être plutôt la polarisation du photon, de la lumière, qui va être corrélée entre ces deux particules. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été un débat pendant longtemps, notamment donc Einstein n'acceptait pas ça, par exemple, hein, c'est connu. Donc il y a cette conversation avec Niels Bohr, où Niels Bohr disait, bah oui, mais en fait, faut voir le système comme étant un système global fait de deux sous-systèmes. Voilà, bon, il se trouve que ces deux sous-systèmes sont séparés spatialement, ok, mais en fait, la physique quantique vous dit qu'il faut traiter ce problème comme étant le système global. Voilà. Au passage, hein, donc nous avons eu faire un petit cocorico puisque le prix Nobel de physique en 2022, donc il y a eu trois personnes, trois physiciens, John Clauser, Anton Zeilinger et le français Alain Aspect, et tous les trois ont eu le prix Nobel pour justement leurs travaux pionniers sur l'intrication quantique, qui était au temps d'Einstein quelque chose qui était théorique, fondamental, mais que ces messieurs ont prouvé expérimentalement qu'en effet, oui, c'est peut-être perturbant, mais c'est comme ça. Oui, d'ailleurs, j'invite nos auditeurs à réécouter. Nous avions eu la chance de recevoir Alain Aspect dans cette émission. Voilà, Alain Aspect qui a donc démontré l'intrication quantique. Virginia Doria, cet Internet quantique utiliserait donc les propriétés quantiques de la lumière, et en particulier le fait que l'on peut intriquer les particules de lumière, ce qui permettrait de téléporter l'information que portent ces particules. Oui, tout à fait. Et on arrive au deuxième du prix Nobel, c'est Anton Zeilinger qui a pu démontrer ça en premier. Et en effet, comme disait Christophe, ce qu'on a, c'est que quand on utilise des objets intriqués, Dans l'exemple dont on parle, c'est de la lumière, mais on peut avoir des objets intriqués qui sont aussi des particules, donc des intrications de matière, des états de matière. Et en effet, ce qu'on a, c'est que comme on doit considérer les systèmes comme un système unique, même si ces deux parties qui le composent sont très distinctes, on est capable, agissant sur une partie seulement de ce système, d'une certaine manière, projeter la partie qui reste sur un état qu'on souhaite. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des interférences. On revient à l'idée des ondes. Donc, des interférences entre une partie de l'état quantique et un qubit que je vais les téléporter. Et à l'issue de cette interférence, je suis capable de détruire le qubit d'un endroit et le faire réapparaître, passez-moi le terme un peu imprécis, sur le qubit qui n'a jamais fait partie directement de l'interaction. Ce type de protocoles sont très importants parce que ça nous permet notamment d'accéder à des distances de propagation qui sont des distances accrues que par rapport à ce que j'aurais si je faisais un canal de communication directe. En gros, l'idée, c'est d'être capable de segmenter une ligne de communication longue en plusieurs parties, faire des cascades de protocoles de type téléportation. Et cela, c'est comme si c'était un check, si vous, désolé pour le mot anglais, qui permet de vérifier la présence de l'information quantique tout le long de la ligne. Et grâce à ça, on est capable, d'avoir des, on appelle en physique, des rapports signal sur bruit, donc des signaux qui sont bien visibles, par exemple, vis-à-vis des imperfections qui sont des détecteurs au bout de la ligne. Pérolène humaine. Effectivement, on peut faire ça qu'on appelle de répéteurs quantiques et qui vont permettre de transmettre à plus longue distance des propriétés quantiques. Et le problème, c'est que, enfin, la question de tout ça, on n'a pas beaucoup mentionné, c'est que on est encore très très loin de l'ordinateur quantique. Hein, on est encore très très loin. Il y a certaines choses qui fonctionnent dans le sens de la distribution des clés quantiques, mais il se trouve qu'on a des grands problèmes qui sont liés, qui ont été mentionnés par mes collègues, qu'on appelle la décohérence. Donc c'est un grand problème. Et puis il y a un autre problème, c'est que en fait, en réalité, même si on arrive à faire un ordinateur quantique, en fait, les choses qu'il fait vraiment mieux qu'un ordinateur classique, en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, j'invite peut-être l'auditeur qui est intéressé et qui sait lire en anglais à regarder un blog d'un des principaux chercheurs du domaine qui s'appelle Scott Aronson, qui a une vision avec beaucoup de recul du domaine, où il y a moins d'engouement, mettons, vis-à-vis de toutes les applications des ordinateurs quantiques. Donc, il y a cette question-là. Et puis, on a beaucoup parlé des coûts aussi d'ordinateurs quantiques. On a parlé d'argent, on a parlé d'investissement, mais on a peu parlé des coûts, justement, écologiques de la construction d'un ordinateur quantique parce que, comme Christophe a bien mentionné, et c'est quelque chose qui est lié au processus de la décohérence, justement, c'est la raison pour laquelle nous n'évoluons pas dans un monde quantique. Il est très difficile d'écrire un ordinateur quantique et de le protéger des effets de l'environnement. Donc, c'est très coûteux énergétiquement et c'est très problématique. Là, en effet, vous abordez une notion qui est très importante, qui est celle de la décohérence. Christophe Couteau, je veux bien qu'on élucide ça ensemble aussi. Ah, alors, principe de base, ouais, la décohérence. Si, élucider la décohérence, si je pouvais le faire. Par contre, je peux essayer de décrire ce que c'est. Donc oui, la décohérence, en effet. Donc, si on reprend l'image de tout à l'heure, donc juste aussi, je reprends parce que pour être sûr, quand je disais donc la particule qui peut être des deux côtés du mur, il faut tout remettre aussi à la taille des particules. Donc là, le mur dont je parlerai, c'est quelque chose qui va faire peut-être de l'ordre de quelques nanomètres. Donc de l'ordre de 10 puissance moins 9 mètres, hein, donc c'est encore, ça va être 10 000 fois plus petit que le diamètre d'un cheveu, par exemple. Donc voilà le type de taille dont on parle, qui est d'ailleurs les technologies dont on parle, entre autres, d'où la difficulté. Et donc, en effet, comme le disait Pérolin, il y a un problème qu'on appelle donc la décohérence. Alors, à quoi c'est dû? C'est pas très clair. Il y a beaucoup de théories. Par contre, les effets sont clairs. C'est qu'en effet, cette superposition, donc, de cette particule dans deux états différents ou dans deux endroits différents, cette superposition, elle est très fragile. Donc, cet état quantique est très fragile. Puisque, on en a parlé tout à l'heure de la mesure, la moindre chose qui peut avoir une information sur cette particule va faire que il va y avoir un choix finalement qui va être fait, qui fait que la particule, bah ça y est, elle est, donc si je reprends les chaussures, elle est bleue ou elle est rouge. C'est fait. Et donc ça, ça veut dire qu'en effet, c'est très fragile, parce qu'on n'est pas quantique, comme a dit Perola. Nous, non, les objets le sont, mais ces objets-là, il faut les protéger, en effet. Donc, ça, je vous ai parlé tout à l'heure de technologies supraconductrices à basse température. C'est entre autres pour ça, la basse température, bah, ça permet d'éviter dans la matière d'avoir ce qu'on appelle donc des phonons, qui sont des vibrations, en fait, du matériau, qui peuvent avoir une information sur cette superposition. Et donc, faire décohérer, donc casser cette superposition, et donc ne plus avoir cet état quantique. Alors juste pour faire donc une des idées de cette décohérence, mais il y en a plein d'autres, et ça reste aussi en effet très théorique, c'est de relier ça à la gravitation, hein, entre autres, donc de dire que la gravitation, c'est aussi un phénomène physique qui est finalement un peu décorrélé de la physique quantique, mais la décohérence pourrait être la raison pour laquelle ça ne l'est pas, et ça serait la raison pour laquelle on aurait cette décohérence à cause de la gravitation. Et si les qubits sont des objets fragiles, s'ils interagissent avec leur environnement, ils perdent leur état de superposition, c'est ce phénomène de décohérence. Et ce phénomène de décohérence, on l'observe aussi pour les ordinateurs quantiques. On voit qu'il y a d'énormes défis techniques et théoriques à relever pour construire des réseaux de téléportation à grande échelle. On continue de parler de ces défis après cette ode à la téléportation. L'un pour l'autre est la menace, n'a rien qui vaille. Te vois tout le temps, ça me contracte, mais je bataille. Le sort est plein de toutes ces dents, je me surveille. Qui a repeint les murs en blanc? Ça me Fishback téléportation à 16h33 sur France Culture, car nous parlons de téléportation d'informations quantiques, nous parlons d'Internet quantique en compagnie de nos trois invités, Perola Milman, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Matériaux, phénomène quantique de l'Université Paris-Cité, avec Christophe Couteau, directeur du laboratoire Lumière, physicien, enseignant-chercheur à l'Université de Technologie de Troyes, et Virginia Doria, enseignante-chercheuse à l'Institut de Physique de l'Université de Côte d'Azur. Nous venons de voir à l'instant que nous venons de parler à l'instant du problème de la décohérence. Comme on l'a dit, la décohérence est un obstacle pour les qubits. Si un bit classique représente un état bien défini, 0 ou 1, le qubit peut se trouver à la fois dans l'état 0 et 1, mais cet état de superposition demeure très fragile. Ça, Perola Milman, c'est l'un des défis de l'informatique quantique, c'est de pouvoir maintenir l'information pendant une durée suffisamment longue. Oui, effectivement. Et donc, comme a dit Christophe, il y a différentes choses qui peuvent nous aider, qui peuvent aider à ça. Bah, une déjà, c'est la construction des systèmes qui sont suffisamment isolés. Ensuite, il y a d'autres techniques du type, on peut créer, par exemple, c'est un exemple sur lequel j'ai particulièrement travaillé, créer des environnements artificiels. C'est comme si on crée autour de systèmes un faux univers qui se comporte de façon quantique. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour protéger l'information. Après, une fois que la protégée, suffisamment protégée aussi, il y a des techniques qui sont développées, et là, c'est plutôt dans les cadres de calcul quantique, des corrections d'erreurs. Mais pour cela, il faut déjà avoir assez peu des cohérences pour pouvoir appliquer ces techniques qui font, ces codes correcteurs d'erreurs, ils fonctionnent essentiellement comme les classiques, c'est-à-dire ils essayent de détecter si, en l'occurrence, un qubit a été a changé d'état, qui était 0, il était devenu 1, des choses comme ça, et ensuite il va les corriger, et tout cela sans connaître l'état du système. Christophe Couteau. Oui, alors donc le souci aussi, c'est que avec la décohérence, c'est que donc on peut faire ce qu'a décrit Perola, mais du coup, si on n'a pas de solution comme ça, bah, la solution, c'est malheureusement d'augmenter le nombre de qubits et de dupliquer cette information en espérant que si on en perd, si on perd certains qubits, une partie, eh bien, on va quand même récupérer l'information qu'il faut. Et donc, enfin, l'information qu'on veut obtenir à la fin. Mais donc ça veut dire que ça a des conséquences qui sont que pour avoir ce qu'on appelle un qubit physique, donc c'est-à-dire un qubit parfait, en fait, donc il n'est pas parfait parce qu'il y a ces problèmes de décohérence, par exemple. Et donc on va y associer d'autres qubits avec, donc qui peuvent être au nombre de 2, 3, 4, 5, 10, pour pouvoir être sûr qu'on va préserver l'information de ce qubit tout seul. Donc ça veut dire qu'on augmente le nombre de ressources finalement par ce facteur 2, 4, 5, 10. Bon, pour le moment, c'est ce qu'a dit Perola. Si ça me permet de faire des choses tout de même, eh bien voilà, on prend ce qu'on peut. Mais en effet, l'idée, c'est de travailler plus sur enlever cette décohérence, enfin éviter cette décohérence pour avoir des qubits de meilleure qualité et donc avoir moins besoin de ces qubits en plus qui vont venir finalement dupliquer l'information pour être sûr qu'à la fin on a le résultat. Virginia Doria, pour compléter. En effet, c'est un chemin qui est très... donc c'est un axe de recherche très actif. On peut aussi préciser qu'il y a des questions liées au fait qu'on n'a pas simplement besoin d'avoir beaucoup de qubits, mais aussi de pouvoir les mesurer, évidemment, et les gérer, de mettre en œuvre des portes, de pouvoir coder là-dessus. Et donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur les connexions, qui soit entre qubit quantique et qubit quantique, mais aussi entre la partie classique, l'interface classique et l'interface quantique. Et là, effectivement, il y a d'un côté la volonté donc d'augmenter l'efficacité de ce type d'interconnexion, et d'un autre d'étudier aussi des stratégies qui puissent optimiser les calculs en tenant compte de la nécessité de corriger les erreurs et de la nécessité des erreurs qui resteront. Et là, par exemple, Perola parlait de l'apport énergétique du quantique. Il y a une initiative internationale qui est une initiative énergétique pour le quantique. Il y en a plusieurs, mais il y a une qui est aussi en partie française. Et dont l'objectif, c'est effectivement de prendre en compte le fait qu'un objet, un ordinateur quantique, à ce stade, c'est un objet imparfait. Il va rester probablement un objet imparfait pendant un certain temps. Et d'essayer de comprendre quel est l'impact énergétique de la machine une fois qu'elle marche et éventuellement de l'optimiser. Donc il y a des questions de thermodynamique derrière, mais aussi beaucoup de codage. Et donc c'est vraiment un travail mélangé de physiciens et d'experts de sciences quantiques. Et à ce sujet, juste une petite note de couleur. Il y a quelques années, vous avez peut-être entendu parler de Google qui avait dit qu'il avait pu démontrer la supériorité quantique avec son ordinateur, Sycamore. Et pour faire l'exemple, il parlait de l'ordinateur, il faisait le calcul avec 21 qubits physiques, on est capable de faire un calcul que le meilleur ordinateur de IBM, évidemment leur concurrent, aurait eu besoin d'effectuer en 10 000 ans. Et donc IBM y a réfléchi, il a dit non, mais en vrai, si on optimise les calculs, c'est 2,5 jours. Et donc la question s'est fait, oui, mais notre ordinateur quantique, pour marcher, il a coûté 24 centimes d'électricité et le vôtre classique, ça a coûté 135 000 euros. Donc en vrai, ça c'était vrai, parce que c'était un nombre de qubits réduit. La question c'est, si on va augmenter le nombre de qubits, est-ce que ça reste encore vrai, cette supériorité énergétique de l'ordinateur quantique? Et c'est un chemin ouvert. Et pour le moment, nous n'avons toujours pas atteint la suprématie quantique, hein, sur le moment où un seul ordinateur quantique résoudrait un problème qui est insoluble pour un ordinateur classique. Pour continuer bien sur l'Internet quantique, Christophe Couteau, ce réseau de transmission de qubits entre deux lieux distants, c'est déjà quelque chose en cours de construction et des expérimentations. Quelles sont selon vous les percées majeures vers l'Internet quantique ? Alors, donc oui, en effet, on en a parlé tout à l'heure, donc il y a beaucoup de développement dans tous les pays qui sont intéressés par les technologies quantiques pour pouvoir faire des réseaux donc vers un futur internet quantique, donc des réseaux locaux quantiques. Donc ça se fait donc il y a dans des grandes villes, donc à Londres par exemple, voilà, il y a un développement d'une volonté d'utiliser les fibres optiques qui sont déjà installées dans le réseau urbain de la ville de Londres et de faire un réseau entre quelques cœurs, quelques endroits spécifiques de la ville qui soit quantique. Il y a aussi un projet comme ça dans la ville de New York, et puis il y a aussi en France aussi, donc à Paris. Donc il y a des liens qui sont faits, notamment aussi avec Nice, je pense, avec Virginia qui est impliquée dedans. Et tout ça aussi, ça pourrait se faire. Donc il y a des projets que ça se fasse au niveau européen. Donc un projet européen. Il y a même une alliance de l'internet quantique qui existe, qui vise à ça, qui vise à aller vers un futur réseau d'internet quantique au niveau européen. Virginia Doria. Oui, justement, en effet, on a deux réseaux en ce moment qui sont opérationnels en France, un région parisienne, donc c'est le projet Paris Région QCI, et un autre projet qui est niçois, donc qui est le Quantum ETC. Donc ce sont deux liens de communication quantique, et à terme, effectivement, l'idée c'est de mettre en réseau ces réseaux locaux. Et ce sont des projets qui sont de grande envergure et de grande ambition. Et notamment, il y a des financements effectivement de l'Union européenne avec l'intervention de plusieurs startups et de plusieurs gros groupes industriels français. Je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, mais donc c'est tout public. Et donc l'idée, c'est de mettre ensemble des acteurs de l'industrie française, experts par exemple des communications dans l'espace, et des acteurs, donc des startups du quantique, des acteurs universitaires, pour relier les réseaux qui sont les réseaux locaux via des canaux qui sont des canaux satellitaires. Un tout petit peu à la star de ce qu'ils ont fait les Chinois il y a quelques années sur un projet tout européen. Donc, importante stratégique pour l'Europe. Oui, pour resituer, c'est en effet des scientifiques chinois qui ont récemment établi l'intrication sur une distance record de 1200 km, intrication induite par les satellites. Culture, la science CQFD, Natacha Trio. 16h43 sur France Culture avec Christophe Couteau, Perola Milman et Virginia Doria, nous parlons d'Internet quantique. L'Internet quantique se reposera sur des architectures spécifiques, des ordinateurs quantiques qui fonctionnent donc avec des qubits qu'on manipule en utilisant les lois de la physique quantique comme l'intrication des photons. On peut de cette manière créer des ordinateurs quantiques à variables discrètes. Or, on cherche aussi à développer également des ordinateurs quantiques à variables continues. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Natacha. Alors pour comprendre la différence et le potentiel de ces deux types de ces machines quantiques, vous êtes allé au laboratoire Kessler-Bruxelles de Sorbonne Université. Vous plongez au cœur du formalisme théorique et sur la paillasse également. Et oui, car il existe deux approches, comme vous le dites, les ordinateurs quantiques à variables discrètes et ceux à variables continues. Alors schématiquement, ils s'appuient sur les mêmes architectures physiques, mais n'offriraient pas la même puissance de calcul. Pour arriver à quantifier la puissance de ces deux types de machines, Mathias Walcher, théoricien, a co-développé une méthode nommée règle stellaire qui permet de formaliser la puissance quantique et qui peut se tester directement sur les tables optiques. Moi, je suis théoricien. Pour moi, mon paillasse, c'est le tableau, quelque part. Et je veux dire que le tableau est très, très organisé pour le moment. Typiquement, ça va un peu dans tous les sens. Et c'est parce que... C'est organisé, mais c'est, on va dire, une sorte de chaos organisé ouais, avec des couleurs. Ça. Ouais. Donc pour moi, par rapport à ce qu'il y a, typiquement, c'est organisé. Mais typiquement, en fait, pour moi, le tableau, c'est surtout c'est un outil qu'on utilise pour discuter. On écrit des choses un peu dans tous les sens, on fait des petits calculs où tout le monde écrit un petit bout, et c'est vraiment c'est quelque chose... Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu magique. On peut, comme ça, ensemble, avoir des idées qui avancent un peu la physique. Après, les expériences, c'est très sympa aussi. Hein, c'est plus impressionnant à voir, quand même. Mais... Je peux vous montrer la manip où on essaye de mesurer ou de certifier le rang stellaire. Donc le rang stellaire, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui a été introduit parce que c'était une façon pratique du point de vue mathématique pour classer les différents styles d'état qu'on peut avoir. Et en fait, on n'avait pas vraiment de bonne interprétation initialement pour quelle est l'utilité de tout ça. C'était juste une façon pratique de classer des choses comme on pourrait classer aussi les fruits entre pommes et non-pommes. Bah, donc... Ça sert à pas grand chose, mais on a une classification. Ben là, on avait notre rang stellaire qui faisait ça pour les états quantiques. Et en fait, ce qu'on a découvert en fait dans notre article, c'est que ce rang stellaire, c'est vraiment ça qui fait que le problème est difficile à simuler. Donc, c'est ça qui correspond quelque part à la puissance du calcul. Et alors du coup, en utilisant cet outil-là, est-ce que vous avez pu apporter une réponse satisfaisante au problème de départ, à savoir laquelle des machines à variables continues ou discrètes est la plus puissante ? C'est une bonne question parce que, en fait, là, comme très souvent dans la science, la réponse est assez subtile dans le sens que ça dépend de la machine. Et en fait, je pense que ce qu'on a trouvé, c'est qu'on peut faire une machine très puissante avec les deux. On a surtout une façon de, quand on a concrètement construit une machine, on a une façon d'avoir une façon raisonnable de comparer les puissances de calcul entre les deux. Alors là, on rentre dans la salle d'expérimentation optique quantique. C'est ça. Et les tables optiques. Nous, on va voir la table ici. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit là-bas, il y a une grande, grande boîte noire. Et ça, c'est le laser. Hein. Une lumière en laser, on voit vraiment bien le faisceau vert. Et donc, pour commencer, donc, le laser, il produit un état qui a un rang stellaire zéro. Donc après, il y a donc énormément de montures qui sont typiquement des miroirs, des lames séparatrices, des lentilles, des choses un peu... du point de vue mathématique, on va dire c'est banal. Donc en fait, tout ce qui se passe, c'est qu'on a un rang stellaire zéro là. Donc là, on va commencer dans la grande cavité là, donc dans la boîte. On va créer pour la première fois sur cette table un état qui a des propriétés quantiques. Donc on produit ça, mais on reste dans le rang stellaire zéro. Donc en fait, tout ça, ça n'a pas beaucoup de puissance de calcul sur soi-même. Donc après, on va sortir de la cavité avec nos états quantiques qui sont le vide comprimé. On va parcourir ici tout un chemin, donc il y a beaucoup de montures. Ça ressemble à une jungle. C'est oui, Donc moi, il y a quelques composants que j'arrive bien à reconnaître parce que ça, par exemple, ce sont des pull shapers qui donc ça sert pour mettre en forme la fréquence ou la forme en temps de la lumière, si vous voulez. Donc c'est en fait, c'est comme votre tableau, mais un peu plus complexe quand même. Ouais, ça paraît fouillé, mais alors que c'est très organisé. Quand on fait de la théorie, on a toujours en tête plein de choses qu'on peut faire. Et en fait, on voit après que quand on voit la table optique, il y a tellement de petites subtilités dans la réalité qu'en théorie, on... Et donc, Laurent Seller, il va apparaître dans le... C'est ça, c'est ici. Ah oui, c'est là, écrit le BIBO. Donc, c'est un cristal non linéaire. Et c'est là, en fait, qu'on va faire ce qu'on appelle une soustraction de photons. Et donc, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais on va prendre notre état quantique qui a Rankseller 0. On va enlever de façon très contrôlée un photon de cet état et on va obtenir quelque chose qui a un Rankseller 1, si tout va bien. Et c'est un peu contre-intuitif parce que, en fait, dans l'état quantique qu'on a créé là, au début, qui avait Rankseller 0, en fait, c'est le vide comprimé. Le vide comprimé a typiquement des photons, ils ont tendance à venir en paire. Donc on a très rarement un photon. Donc c'est typiquement 0, 2, 4 et tout ça. Et donc quand on enlève à enlever un photon, ça nous donne l'information que dans ce qui reste, qu'il y a encore un photon qui reste, ou peut-être 3 photons qui restent, etc. Donc en fait, c'est comme ça qu'on augmente le Rankseller de 1, parce que ça nous donne l'information qu'il y avait au minimum, il y en a encore un qui reste. C'est pas mal simplifié, mais c'est un peu l'idée. Et donc voilà. Donc là, on a créé un état avec un Rankseller, si tout va bien, 1. On espère dans l'avenir de enlever plusieurs photons pour créer des états avec des Rankseller qui sont plus grands. Et c'était le point clé en fait de notre article. Et donc pour moi, c'était très joli d'avoir une idée qui est extrêmement expérimentale, qu'on a pu utiliser en fait pour nourrir les travaux en théorie. Et donc je pense que ça arrive. Exactement, parce qu'on travaille très proche entre théoriciens et expérimentateurs, et ça, c'était très sympa. Merci Céline Lezenne pour ce reportage. Comment la théorie est directement reliée au développement technique, comment les théoriciens travaillent avec les expérimentateurs. On arrive à la fin de cette émission, mais une réaction, Christophe Couteau. Oui, bah justement sur ce point, pour terminer, c'est important en effet de comprendre que comme on est basé, ça se base sur la physique quantique, qui est pas du tout intuitive. Il y a aussi des gros défis dans la formation des ingénieurs, des techniciens, des docteurs de demain dans ces technologies-là, puisque ça, on a parlé pendant presque une heure hein, de choses un peu bizarres, de règles bizarres en physique quantique. Donc il y a aussi un enjeu sur former des gens qui vont pouvoir développer ces technologies. Perola Milman, pour conclure. Oui, vous avez demandé quant à la percée de l'ordinateur quantique, quelle serait la plus grande percée? Pour moi, c'est plutôt intellectuel, dans le sens que l'information quantique, elle a vraiment changé notre façon de voir la physique quantique. Elle a une vraie interdisciplinarité. Donc, il y a des informaticiens qui s'intéressent au fonctionnement de matériaux. Et puis aussi, il y a la question de à qui et pourquoi faire ça. C'est très bien de voir que les recherches sont utiles, mais je pense que on n'est pas interdit de se questionner à qui ça peut servir. Franchement, pour quelles applications? Quelles applications? Et puis souvent, elles ne sont pas les plus nobles. Voilà. Quand vous dites, elles ne sont pas les plus nobles. Oui, c'est-à-dire travailler pour le capital financier ou bien pour l'industrie de la guerre, c'est pas quelque chose que... Enfin, c'est questionnable. Bien, merci en tout cas à vous trois d'avoir répondu à nos questions, nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Alors, quant à la question, quand est-ce que l'Internet quantique pourrait voir le jour, hein, tout comme l'Internet et les fibres optiques qui se sont développées et déployées dans les 40 dernières années, cette discussion ne fait que renforcer l'idée que les technologies quantiques se développeront dans les prochaines décennies à venir. Ce n'est pas pour tout de suite. Il est temps, en tout cas tout de suite, on retrouve Gilles Boeuf et sa chronique hebdomadaire, le pourquoi du comment. Bonjour à tous, j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un être vivant curieux qu'on a longtemps cru plante et qui est en fait un animal, le corail. Le corail a construit des récifs de surface extraordinaires. Ce sont les seules constructions biologiques, d'ailleurs, qui sont visibles de la Lune. Et alors, ils font en superficie moins de 1% de la surface de l'océan, mais ils hébergent plus de 30% de toutes les espèces connues dans l'océan. Donc, c'est ce qu'on appelle un milieu hotspot, point chaud, mega diver, extrêmement riche en espèces. Il y a plus de poissons sur 1 km de récif en Nouvelle-Calédonie que dans toute l'Europe. Très intéressant pour la biodiversité. C'est René-Antoine Ferchaud de Réaumur, directeur à l'époque de l'Académie des sciences, qui en 1740 démontre la nature animale du corail, qu'on prenait pour une plante en fait. Les coraux sont des cnidaires, des animaux très particuliers. Cnidaires, ça veut dire qu'ils possèdent des cellules urticantes. Hein. Quand vous touchez du corail ou une anémone, vous allez avoir une réaction effectivement assez forte. On en connaît plus de 10 000 espèces sur la Terre aujourd'hui, réparties partout. Des grands fonds, ce sont des coraux qui n'utilisent pas la lumière, aux récifs de surface, sous toutes les latitudes, en surface, bien sûr dans la zone intertropicale. On en retrouve des empreintes fossiles dans des terrains de plus de 550 millions d'années, donc des espèces qui sont assez anciennes. On a séquencé les génomes de ces coraux récemment et on a découvert qu'un corail, l'Acropora, partageait près de la moitié de ses gènes en séquence d'ADN avec l'humain. Le corail et l'humain, alors qu'on n'a que 8% des gènes pour le génome global, par exemple avec une mouche. Donc des choses intéressantes à regarder sur les origines du coraux. Quel est l'ancêtre commun au corail et à l'humain ? La majorité des coraux constructeurs de récifs, ceux qui sont en surface, sont symbiotiques. Je rappelle que la symbiose, c'est le fait que deux êtres vivants se mettent en coopération très forte, l'un ne pouvant pas se passer de l'autre. Ils complètent leur alimentation, les coraux, en hébergeant dans leur tissu des algues, capables de réaliser la photosynthèse. Voilà pourquoi il faut de la lumière pour le corail. Pour les coraux de surface, ils ne peuvent pas être très profonds. Alors, ces algues s'appellent des dinoflagellés, elles sont connues. Hein. Je vous rappelle que les micro-algues marines, le phytoplancton, produit plus de la moitié de l'oxygène de la Terre. Il n'y a pas que les arbres. Il faut toujours qu'on regarde le rôle de l'océan, bien sûr, là-dedans. Et ces algues, en fait, ont des pigments qui donne aux coraux ces splendides couleurs si variées qu'on peut observer dans la nature. Et quand les coraux perdent ces algues, ce qu'on appelle le blanchissement du corail, ben le corail meurt et il devient tout blanc. La symbiose est une association biologique durable et réciproquement profitable et indispensable aux deux organismes vivants. Apparue vers 160 millions d'années, la symbiose entre les zooxanthelles, ces petites algues dinoflagellées, et les cellules de coraux scléractinières, a totalement changé leur capacité de survie et d'adaptation dans des eaux pauvres en nutriments, des eaux très claires, il n'y a pas beaucoup à manger bien sûr, hein, et transparentes. Ces algues font partie du phytoplancton producteur, je l'expliquais, de la moitié de l'oxygène de la Terre, n'oublions pas qu'il n'y a pas que les arbres en fait. Hein. Donc la lumière est un élément essentiel au développement des coraux, symbiotiques de surface. Ils sont capables de manipuler la lumière grâce à une fluorescence propre. Ils peuvent se reproduire autant par reproduction sexuée que asexuée. On peut se débrouiller en faisant des filles, deux filles, deux filles, de cellules à l'infini, mais aussi avec du sexe. Et ces coraux ont produit ces récifs absolument incroyables qui sont soit les atolls, soit les récifs frangeants avec les barrières autour des îles plus hautes. Le corail, aujourd'hui, il joue un rôle fabuleux contre la protection des vagues autour des îles. Le grand tsunami de Sumatra, sans le corail, on a eu 300 000 morts, on aurait eu 3 millions de morts. Hein. Ils brisent les tsunamis géants, ils amènent de la ressource vivante. Je vous disais, le tiers de ce qui est vivant dans l'océan vit autour du corail. Et puis aussi des molécules maintenant super intéressantes, à haute valeur ajoutée, de nouveaux médicaments, anticancéreux par exemple, des stimulateurs divers et variés, ou cosmétiques. Sont très menacés les coraux aujourd'hui, on en a perdu la moitié sur les derniers 50 ans, parce que du surtourisme, de la pollution, de la destruction, pêche à la dynamite et au cyanure, hôtels construits carrément sur le récif, des aéroports, la surpêche, remontée trop brutale du niveau de la mer, il faut qu'ils puissent suivre avec une distance idéale pour que l'eau reste transparente hein, entre le haut du corail et la surface de l'océan. Ce qu'on appelle les problèmes de l'anthropocène, hein, depuis que l'humain s'est mis effectivement à avoir ce rôle sur l'environnement. Et l'acidification lui cause des gros problèmes, parce que quand l'eau est plus acide, il a du mal à faire son squelette. Donc c'est réellement un fabuleux écosystème à sauver en priorité. Aujourd'hui, on crée des tentatives de restauration. On commence à faire de l'élevage, in situ ou ex situ. Ce sera le prix à payer pour sauver les merveilleux récifs que sont les plus beaux du monde aujourd'hui, la Grande Barrière de Corail en Australie et le récif de Nouvelle-Calédonie. Merci. Merci Gilles pour votre chronique et merci à vous d'être à l'écoute.